explosion. From horizon to horizon. Wrap ourselves around the distance for as long as we can hold. Somewhere a call is singing. There is calm in the air, but there is greater calm than I can bear. Tomorrow the sun shines. Ah non, on va improviser à travers ça. Faites-vous en pas, mon Jean-Pierre et André, regarde. On est des professionnels. On est des professionnels. Et puis qu'on n'a jamais été des professionnels. Tu me dis quand c'est le temps de rentrer en onde parce que regarde, je, on dirait que je suis. Ah oui, tata, oh what to do. Oh, je suis prêt, je suis prêt. Ok. Combien, 2 minutes, 5 minutes, 4 minutes? Hein? Bonsoir, mes amis, mes ricanards. Oh, j'étais seul sur mon glacier en Alaska qui, croyez-moi pas, il y en a un qui s'ennuie, hein, maudit. Mais je m'ennuyais il y a 2-3 minutes, là. Je pompais, puis là, il y avait un also de trees. Le groupe australien! Il faut connaître une fois dans sa vie. Quoique, oui, si je les connais 3 fois dans ma vie, ouais, mais crois-tu à la réincarnation? À la réincarnation? Ouais, ben, au lait? Non, non, pas le lait. Non, ça, c'est du lait. Carnation. Carnation. Mais non, c'est pas la même chose. Là. C'est lorsque tu vas mourir, parce que, crois-moi, tu vas mourir. Peut-être même ce soir. Ce soir, je vais peut-être crever. On sait pas. Quoique, tu peux avoir un aperçu de ce qui va se passer dans ta vise. Il suffit d'en aviser la voyante. Fring, oui, hello, non, fring, ça c'est la voyante, fring, c'est celle qui fring toute sa vie, là. Fring, elle parle à quelqu'un, puis fring, il rentre des affaires, là, hein, bien des informations, c'est comme une coupole, mais pas branchée, mais enfin, une coupole humaine, humide, parce qu'elle a chaud souvent, là, parce qu'elle sent venir le meurtre, là, fring, ah non, c'est ta belle-sœur Gaétane Boissé, on va la retrouver dans un boisé, presque morte. Mais elle va partir en ambiance. Elle va partir, oui, pour en haut, mais avant, elle va s'en aller en position horizontale, c'est-à-dire en ambulance vers l'hôpital, et c'est là qu'elle va mourir. Monique, arrête donc, là. Fais pas ton agent de malheur, mais moi, je suis pas agente, moi, je suis courtisane de buffet. Courtisane de buffet, ben oui, c'est... Je rencontre des pauvres mecs, des mecs avec la bon qui peut. C'est quoi ça? C'est un mec qui. Ok, là, ça c'était il y a quelques semaines, ça là. Ouais, mais il a tombé dans le canal enchaîné. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est pas le canard, non, c'est le canal. Quoique, il a fait un cri de canard, hein, quand il est tombé dans le canal. Oh! Dans un mauvais, déjà mauvais. Hey, nouveau trémolo, ça, là. C'est ça. Trémolo, attention, de Buzet. Il ne faut pas en abuser, puisque vous criez et vous... Voyons, donc, il pourrait vous arriver quelque chose. Ah, c'est certain, la fring me l'a dit. Hey, elle, ça fait... Quoi? Madame, vous avez quel âge? Non, non, oh mon doux, la petite... Non, mon... Allez-y, 560, moi, je... Rapidement de même, là, 82, pas coiffé. Vous allez me décoiffer, je suis déjà de moi, regarde, toute ma vie, j'ai été décoiffé comme la chanson. Avoir toujours le thème, la femme, à force de se coucher tard, voilà. Ce que c'est qu'être star, être toujours de bonne humeur, quel que soit le moment et l'heure, et même si tu as le cafard. Ton succès et puis tes excès, ça fera partie de ton succès, ça se nourrit de tout, la gloire, et tu seras comme un animal cloué sur ton piédestal, comme un lapin pris dans un phare. Ah oui, madame, attaquez. Voilà ce que c'est qu'être star. Entre le noble et le vulgaire, tu voudras choisir ta frontière entre Passy et les boulevards. C'est beau, hein, l'intonation. Non, non, mais ça, ça demande des années de... Moi, j'ai pas pris ça comme à l'école Babar. Et le succès Babar, non, c'est... vous en théâtre, là, tout le monde va là, puis tu dis, voyons, donc, il se fait tellement, c'est une supercherie. Mmh. Je suis sûr qu'on ne doit même pas faire de d'édico, là, non, de réflexion, à savoir si vous êtes un acteur ou une actrice à venir. Puis si vous avez le pognon, vous pouvez rentrer là. Ah, les cours Florent, les cours Florent, c'est chez nous, là, par chez nous. Mais vous raconter ce qui se passe de par chez nous. T'as la vocation. C'est comme être religieuse ou curé, là, c'est le choix. Si t'es une fille, tu peux être religieuse ou actrice. Ça dépend. Ça dépend ce que t'as dans tes entrailles, là. Hein. Si c'est Molière, Shakespeare, l'autre, c'est qui? Là? Je nomme tout le temps les mêmes, hein? Oh, Michel Tremblay. Lui aussi, je le nomme. Oh, Ionesco, parce que mon ami Ionesco, nous sommes des très rares individus à jouer du côté de l'absurde. Et croyez-moi, ça fait mal puisque, comme je le disais il y a quelques émissions, c'est le parent pauvre. L'année, non, c'est la semaine dernière. Ça passe vite, hein? Je pensais que c'était l'année. Les années passent. Oui, vous la connaissez, ça, là? Les années passent et trépassent dans un monde d'angoisse. Vous savez qu'à un moment donné, je vous avais parlé, je vous parle souvent de ma mère qui souffre d'une maladie trop malheureusement courante et de plus en plus, qui sera de plus en plus à la mode ces temps, dans les années à venir, une grosse mode. Moi, là, regarde, on m'a dit que le petit bodo, tu sais, le vêtement petit bodo avec la coupe minceur au niveau de la genoute, bon, puis la grelotte, il faut que la grelotte te borlotte. Si la grelotte te borlotte pas, ben tu vas avoir l'air d'un insignifiant comme la majorité du peuple. Mais il y en a-tu des insignifiants? Hey, Monsieur Caron, je connais un Monsieur Caron qui fait nettoyer son linge quelque part là, à Québec. Là. Puis Monsieur Caron est un illuminé du carotté. Quand je vois du carotté, je regarde pas le nom, je sais que c'est Monsieur Caron. Lui, là, je pense qu'il a été, dans son enfance, là, bloqué sur les pots de confiture. On dirait pas lequel, parce que c'est encore carotté. Et j'ai dit, ça, c'est un bureaucrate. Là. Je suis peut-être même un fonctionnaire fédéral. Il y a tellement de mauvais goût. C'est un fédéraliste. Voyons donc, vous, là. Allez-y. Mon émission dure 2 heures. Je suis M. Caron. Mais on le sait, je voulais pas... Vous avez amené le personnage. Non, il repart. Je ne suis pas un personnage, je suis une personne. Oui, mais sincèrement, là, quelqu'un qui a un petit peu de reflet n'entre plus du côté de la singularité, mais au contraire, dans le bédéisme le plus total. Non, la grosse BD, BD, bande dessinée. Moi, j'aime pas ça, les bandes dessinées, je l'ai toujours dit, parce que je sais pas si je dois regarder l'image, puis lire le texte, ou lire le texte, puis regarder l'image, dans quel sens, l'image, la bulle en haut, je sais qu'il faut lire avant, en bas, moyen, ça m'interpelle pas. Moi, Moi, c'est Marguerite Duras, François Sagané, question. Tous les jours de la semaine, toi, tu réponds. T'as pas de soucis à te faire. Va pas te voir à ma mère. À ben des mains dans ma mère. À du côté de la m'amour. Quand je commence, si je t'aime. Oui, je sais, c'est les mêmes chansons. Je suis comme un chansonnier limité, moi. Mon entreprise de musique, de musical, ce serait... mais c'est ça. Nous sommes très cloisonnés. Quoique je n'ai jamais compris non plus les gens qui se disparatent, là, qui s'en vont partout et puis à droite, à gauche, qui s'épivardent. Quoique dans la vie, on peut s'épivarder, mais du côté artistique aussi. Mais il faut avoir le talent de le faire, puis pouvoir le faire. Avoir la cohérence et le côté culturel très, très évasé. Un peu comme mon vêtement ce soir, je porte un jeans moulant vers la taille qui fait voir tout ce qu'il ne faut pas voir et qui se termine en patte d'éléphant. Patte d'éléphant qui est malheureusement en voie de disparition puisque on vole les cornes, les icornes, les bicornes, les dicornes, les dicornes, les bicornes. Non, les quoi les cornes? Hein? Les buvards, non, les boivards, les guvards, les duvards, en tout cas. Les grandes dents, les gros... Les cornes. Non. Pardon? L'ivoire. Non, je n'y vois rien. Je n'y vois rien ce soir, puisqu'il n'y a pas d'électricité. Là, vous allez me dire, pourquoi tu fais ton émission s'il n'y a pas d'électricité? Je suis sur le propane, moi. Moi, là, j'ai décidé de devenir archaïque, de fonctionner selon l'époque où même sans l'électricité, on pouvait vivre. Au propane. Ma vie est propane. Propagez pas ça à tout le monde parce qu'il va manquer de propane à Québec. Je vous demande d'être silencieux. Bon, en plus, ça demande des moyens financiers puis le trois quarts du peuple est pauvre. Je travaille, mais j'ai pas d'argent. Hey, j'ai jamais compris ça. Comment tu fais pour travailler puis pas avoir de maudite scène? C'est quoi ton problème, toi, là? Toi, tu te fais avoir par ton voisin, hein, qui a acheté à sa charmante épouse la lobodo, la limino, la lobo, non, c'est la liminographie. Comment t'appelles ça, donc, la chose qu'on peut faire, la dambalo. Oh, dambalo, chante avec moi encore une fois. Non, libido, non, pas libido. Voyons donc, toi, la... Hey, je vais vous raconter une petite anecdote bien savoureuse. Il est tard, là, hein? À cette heure-là, les enfants sont couchés, mais sinon, allez les coucher ou boucher leur les oreilles, pas les yeux. Quoique, moi, je suis un visuel. Moi, oui, c'est ça, je suis un visuel. Excusez-moi, madame. Ouais, je vous ai craché dessus, mais non, c'est pas un crachat, c'est un postillon, c'est moins écœurant. Ah oui, mais on se fait l'idée, hein, on se dit, hey, ce gars-là, là, il crache. Ben non, je suis pas un lama, quoi que je viens de chanter une chanson de Serge Lama, là. Avoir toujours le timbre à faire, toujours le timbre à faire, à force de se coucher tard, voilà. Ben quoi que là, le lama se trouve là-bas, hein, voyons donc. Oui, écoutez, j'ai amené là mes deux dernières épouses qui étaient mes anciennes, puis j'ai voulu les changer pour des lamas. Puis là, ben, le récepteur dit à l'émetteur qui était moi. Hey, mon ami, maman. Non, c'est pas la maman, ça. C'était ma maman. Ma délicieuse épouse, mais l'autre aussi, c'était mes deux dernières délicieuses épouses qui me coûtent passablement cher. Et ils ont connu. Non, ils connaissent le rouage. Non, ils n'ont pas de courage, mais ils connaissent le rouage des lois du Québec. ça. Ben oui, moi, je me suis dit, comment ça, cette belle fille-là s'intéresse à moi? Je suis gros, je suis laid, je pue, je suis pas beau, je suis pourri, je sens le Camus. Quoique Albert me l'a dit, Albert, tu je te remercie puisque tu m'as offert une certaine liberté de, comment dire, pas de nettoyage, mais une liberté de d'hygiène. Comme disait Diogène, l'hygiène, c'est important. Surtout quand tu te maries. Marie-Madeleine, ton petit jupon de laine, ta petite jupe carottée, ton petit jupon piqué. Puis elle, en dessous de son jupon piqué, là, ça sentait le bon camembert de mon ancienne époque où j'étais heureux. Où je voulais en savoir davantage sur le monde avant de le connaître. Aujourd'hui, c'est trop tard. Je saisis tout ce qui se passe, puis je les vois arriver. Je suis un radar. Alors, j'éradise autour du peuple et je me dis, lui, c'est un crotté, lui, il ne faut pas le connaître, elle ne veut pas, elle voudrait, mais ça va me coûter un bras. Puis quand même, je crois que sincèrement, madame, tout doit être gratos et dans la liberté absolue, quand les deux sont bien sûr tout à fait en équation symphonique. Ça, c'est quoi? C'est Camembert numéro 18 de Châteauzvert, Galimoitou. Galimoitou, quelle belle émission, hein? Non, ça n'existe pas encore, là, mais quand ils vont le réaliser, là, je vous dis que ça risque d'être un peu moins bon que Timé Chaud. Oh, quel beau spectacle. Mais les gens connaissent déjà mon point de vue là-dessus, donc je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas à Montréal. Ah oui, la chanson que je fais à ma mère, parce qu'elle est rendue à une certaine étape de la maladie, le discours peut être quand même assez bref. Il n'y a pas grand-chose. Mais la musique rejoint tout le monde, et c'est ça qui me plaît. Et sa mère à elle, Joséphine, qui est née en 1900 et qui est morte en 1993, donc elle est morte à 93 ans, de la même maladie que ma mère, chantait cette chanson-là. C'est notre grand-père Noé, patriarche digne, que le bon Dieu a conservé pour planter sa vigne. Il s'est fait faire un bateau pour se préserver de l'eau. Qui fut fut fut fut, qui fut son, qui fut su, qui fut su, qui fut son, qui fut su, qui fut son refuge pendant le déluge. Quand la mer rouge apparut à la troupe noire, les Israélites ont cru qu'il fallait la boire. Mais Moïse est le plus fin. Hey! Il dit « Ce n'est pas du vin. » Mais voyons donc, c'est quoi ça? Donc, pour vérifier, il a pas, pas, pas, il a ça, ça, ça, il a pas, il a ça, il a pas ça toute, sans en boire une goutte. C'est de... Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est le côté moral. Hein? L'extrait, refrain, moral. Non, c'est Gérald. Gérald, c'est la morale, OK? C'est au fond d'un verre trop plein que l'on prend ta... Ben, hein? Je la connais pas trop, non, celle-là. C'est au fond d'un verre trop plein que l'on perd la tête. Ce n'est pas d'un bon chrétien d'avoir l'air si bête. Celui qui boit trop, mon vieux, en aura mal aux cheveux. Plus t'en as, plus ça va faire mal. Pas de la matière grise, mais des cheveux. Prends à ma maman, prends à papa, prends à ma, prends à pas, prends à ma parole et lâche la fiole. Je l'ai fait la semaine dernière, non? C'était en bonus. Un bonus prépuce. Ça c'est mon moteur de chauffe. Hein, mon doux. Ça, l'imprimerie n'a pas fonctionné, madame. Non, non, non. Et le beau, et l'amour, et la peau. Et la peau, l'eau. OK, ça, là, c'est le temps de passer à mon invité mystère, qui sera plus mystérieuse. Je vais vous la dévoiler devant vous ce soir, au rythme de mes fantaisies. Je vais vous raconter sa vie, en rêve ou en rénalité. Ce sera pour vous un vrai péché. Comme pas moi, vous allez l'entendre. Là, j'ai comme la chatonne au fond de la gorgotte. Là, puis, oh, bonjour, bonjour la madame, bonjour la petite madame, parce que je l'avais rencontrée un petit peu avant. Oui, j'étais en discussion avec un pseudo-producteur d'humour. Le mari de Anne Balaboff. Anne Balaboff, papopapoff. Là, la clown. Non, c'est pas Emma. Non, Emma est beaucoup plus drôle que l'autre, là. Mais c'est ça. Pas quoi bon faire cette émission si on ne sera pas con? Ah oui, c'est vrai, hein? C'est vrai. À quoi bon faire cette émission si on ne sera pas con? Ceinture noire, troisième prame. Je vais vous dire le texte comme il s'essuie. Juliette, peux-tu c'est ça. Essuie les mots, mais garde des caractères. Gras. Plus dirais facile, gras. Le gras dans le mot. À quoi bon? On est rentré sur le réseau FM. Oui, mais à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme. Merci, faites-le. Fring! Merci. Rénal de Le Néant Gagné. Monsieur le Président. Excusez-moi, je viens de sortir. Oui, j'entre à l'instant. J'ai fumé 4 paquets de cigarettes. bouffon que je suis. Monsieur le Président. Parlons-en, oui. Monsieur, il n'est pas trop moi, j'ai un petit temps catholique. Madame. Je suis résident et résidente impudique. Bienvenue. Mets-moi là, de l'eau. Mets-moi de l'eau dans la gamelle. Gamelle de blues, c'est moi. Gamelle de blues, t'as pas ta blues. Ah non, ça brûle, hein, c'est pour ça, c'est le soleil qui plombe. Ben oui, au mois de février, mon acrostiche. Aujourd'hui, le vendredi 20 février 2015, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la délicieuse humoriste Anne-Sophie Bajon. Son parcours, dès ses 15 printemps à ses 20 ans. 15 printemps, 20 ans. Il a passé des saisons là-dessus, là. Elle parcourt au rythme des textes de Fedot. Fedot, Fedodo, la première et la dernière. Fedot, Fedodo, le prochain sera Ionesco. La biche Tchekhov, les théâtres d'Île-de-France avec la troupe Rythme 91, puis le stage des cours Jack Walzer. Son professeur était Dustin Hoffman et Sigourney Weiner. C'était quoi? Des aliens. Non. Inspiré de la méthode Stanislavski, qui la mèneront au cours Simon. J'ai eu peur que ce soit Florent. Oh, j'avais une sueur. Avez-vous vu l'abus de sueur, madame? J'ai dit éponge, ma Georgette, éponge, je te paye pour ça. T'as 25 cents de la goutte. Fait, ah ouais. Même chose pour ma pareil. Elle crée avec Martin Darando, co-auteur et réalisateur pour Internet, une série humoristique. Soir fait le bilan. Non, c'est Swad. Soit dit en passant, fais le bilan. Mets en scène les petits tracas de la vie de couple. Oh oui, ça ressemble à quelque chose au Québec. Hein? Puis une chronique décoiffante, Sound TV, avec sa vision très personnelle de l'actualité. Elle joue également dans une série de sketchs pour l'émission télévisée Le Soaring, diffusé sur France 2. En 2010, elle plaque tout et se lance dans l'écriture de son One Woman Show. Ça va piquer! En collaboration avec les deux partenaires idéaux rencontrés dans une ancienne vie. Ah ben oui, c'est ça, on parlait là, tantôt. Tout a un lien, madame, tout a un lien. Achetez des billets de loterie, vous ne gagnerez pas! Et puis donc, qu'est-ce qu'il disait dans Ancienne vie, Caroline Clichoz et Martin Darando. Et puis le spectacle est en construction. Mais il était en construction et il a eu un succès exceptionnel. Mais en 2014, Errance canadienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cette fille exceptionnellement intéressante. La preuve après cette chanson. Ben voyons, il y avait quelqu'un qui était là aussi. Ah bon? Oui. Bon ben c'est pas grave. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ben oui, ben, on s'est croisés tout à l'heure. Ouais. C'est merveilleux. Exactement. Et puis sinon, t'es-tu venue ici juste pour me rencontrer ou... Oui. Mais t'es-tu Mais du coup, j'avais un rendez-vous avant et je me suis dit, s'il est d'accord pour venir ici avant le rendez-vous, comme ça, ça m'évite de courir dans tout Paris. OK, alors c'est mieux comme ça? Ouais. OK, parce que là, j'ai quitté... Philippe pour aller voir Juliette au Bataclan, puis je suis revenu après. D'accord. Ah, ben donc, non, ben. C'est normal. Ah, mon pauvre, non, il fallait me le dire, sinon j'aurais. Ah, non, il n'y a pas de problème. Ah, non, aucun problème. D'accord. Sinon, mais tu connais Philippe.

je fais un vœu. Le feu d'un duel de soleil, je rêve d'un duel avec toi. En haut de la falaise rebelle, provoquer duel avec toi. Me donner la pierre au soleil, au sommet de la falaise rebelle. Tu te rendras duel soleil contre moi. Où l'homme projette ses pas. Il est un quartier de Paris où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps les désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition. Le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone du 18e arrondissement de Paris, par le biais de la 4e dimension. Sinon, bon ben, c'est direct sur la ligne 4. Mesdames et messieurs, destination Château. Halte là, petit voyou. Tout le monde au garde à vous. Sonnez l'alerte rouge, c'est un aller sans retour. Approchez, mesdames et messieurs, nous des colons, destination Château. Sont à la turque, l'éducation à la durée, le bonheur à la traîne. Une poubelle par la fenêtre, de l'urine sur les murs, le bitume titube et le ciel marche sur la tête. Quelques morceaux d'individus qui déambulent, un cœur à sauter du hamac à vivalure. Une jeunesse à la retraite, le flingue à la ceinture, même les rats font le mur et les chats croulent sous les sur le portable de Leroy, laissez votre message, blablabla, blablabla. Hey, il dira ouais, c'est moi. C'est chiant, je vais jamais répondre à ton portable. Je voulais savoir si je pourrais rester dormir chez toi parce que bon, mon scooter il est niqué. Tu sais, il y a un mois, je t'avais filé 20 euros. J'aimerais bien que tu me les rendes aussi, si c'est possible. Bah, rappelle-moi, j'attends ton appel, rappelle. Je compte sur toi, mec. Rappelle-moi, je suis là. Rappelle, j'attends ton appel, rappelle. C'est ton pote. C'est ton pote. Le ringard, le plus lourd, le plus moche. Il est has-been, comme un clip d'East 17. Anecdotique, tel une speakerine. Il est plus ringard qu'un disque vinyle d'Annie Cordy ou Philippe Laville qui parle des Antilles. Il est hors sujet, comme du tang dans un sac US, les Kratos ou des Irles. Un LC Waikiki avec un push pas à mon pote, un bebop, un pins, un jukebox, un Amstrad CPC 464, le Francis Lalanne qui joue les Jean-Paul Sartre. Il est passé de mode comme un baladeur auto-reverse ou les Santiago de Dick Rivers. C'est ton pote, il est cool mais son style est d'époque. Le ringard, le plus lourd, le plus moche, mais qui reste de loin le plus proche. Il est obsolète comme un t-shirt Fido Dido, un coup de gueule de McEnroe, une montre calculette, une Renault 12, une mobilette. Il est plus désuet qu'un bobo chez Jeannette. L'ancienne école du Minitel, l'époque de Casimir, celle du 20h présentée par Roger Gickel. Un film érotique dimanche soir sur M6. Il est totalement dépassé comme les effets spéciaux de l'exorciste. Il est de la génération bandana, la petite chaîne en or, la moustache à la Santana. Ton François Pignon à toi, ton poteau, le sacré protocole. Oh, c'est vintage qu'un roman photo. Tu peux rien, c'est ton pote. Il est cool, mais son style est d'époque. Le ringard, le plus lourd, le plus moche, mais qui reste de loin le plus proche. Il est à Madeleine de Proust avec la coupe d'Alain Prost. Un humour qui tâche pire qu'un verre de Boulawan, mais qui peut se vanter d'avoir un vrai pote. On est tous l'idole de l'un, le ploup de l'autre. La septième roue du carrosse, le quinzième apôtre. Inutiles, indispensables, classe et dans les classes, comme le générique d'Amicalement Vôtre. Est-ce que le studio 105 est vivant? Ouais. Je n'attends personne. faut danser dans le vide, donner des coups d'épée dans l'eau. Je n'attends personne, je n'attends personne. Je ne mange pas, ne bois pas, je me saoule et me ronge. Je ne m'aime pas, je me dompte, ne me branche pas, je disjoncte, je plonge, je ne dors pas moi. Je me noie dans mes songes, je n'inspire pas, ne respire pas, je m'essouffle et me dégonfle. Je fais la course en tête à fond vers le mur de la honte. Je ne suis ni pour ni contre, je ne me bats pas, je m'affronte. Je renonce, moi je ne construis pas, je me démonte. Je fonce, je ne pleure pas, je m'inonde. Seul au milieu de la piste, je roule sans détour vers le fiasco. Je n'attends personne. Personne. S'il faut danser dans le vide, donner des coups d'épée dans l'eau. Je me correctionne plus, je me dynamite, me disperse et me ventile. Aux quatre coins de Paris, je m'éparpille. Au diable les réponses, je perds le nord à chercher des perles dans les ronces. Et les questions sans queue ni tête s'empilent. Allô la terre, je suis perdu dans ma nature. Je danse le marteau piqueur à l'envers de la mesure. Je suis la rose poussière qui sature le rosier. Fou allié, je n'ai d'amour que les poignets. Seul au milieu de la piste, je roule sans détour vers le fiasco, vers le fiasco. Je n'attends personne. S'il faut danser, si dans le vide, donner des coups, l'épée dans l'eau. On va faire appel à vous pour un procédé technique totalement inédit. Je crois qu'on est les seuls à le faire au monde. On va joindre les deux mains en rimt afin de produire un son. Et en même temps, on va chanter. Chanter, pardon. Je sais que vous en êtes capables. Parce que vous êtes les meilleurs, tout simplement. On y va? On vous montre. 1, 2, 3, 4. J'ai grandi dans la lune, made in Taïwan, gravé sur mes idéaux. Un peu triste, médiocrate, je plane alors je rentre tellement tard qu'il est plus. plus en plus tôt. Un alien dans la tête depuis le berceau. Le mental en miette et les idées noires fluo. Allô Houston, je nage aux frontières de l'étrange. Et mon cœur de pierre n'est plus étanche. Emmène-moi loin d'ici, à l'autre bout d'ailleurs. Je veux me perdre de vue, seul au milieu de nulle part. Montre-moi ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Je n'en peux plus, je m'égare, j'ai comme une enclume en plein cœur. J'habite à côté de mes pompes, dans un de pièces vides. Je suis l'unique pigeon au monde qui est le vertige. Un taux d'adrénaline qui se tourne les pouces au troisième sous-sol de ce qui me reste de matière grise. J'ai failli être un mec bien, je l'ai échappé bête. Je suis le poli suspect venu d'une galaxie parallèle. Et je m'interroge, y a-t-il une vie avant la mort? Fuir la crise de l'air, ma boussole a perdu le nord. Et mon enthousiasme à la grâce d'une gastro enterrée. Je ne vois que soleil vert et arc-en-ciel daltonien. Allô docteur, la nuit je rêve de faire des rêves. Et des week-ends de deux semaines sous un ciel vénusien. Emmène-moi loin d'ici, à l'autre bout d'ailleurs. Je veux me perdre de vue, seul au milieu de nulle part. Montre-moi ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Je n'en peux plus, je m'égare, j'ai comme une enclume en plein cœur. J'ai comme une enclume en plein cœur. Trop de ménage à faire dans ma tête. À plus de 30 balais, le squelette de mon cœur est encore en maquette. J'ai revu tous mes critères à la baisse. Marre de passer à la caisse, une vie de couple usée, sponsorisée par les pompes funèbres. 420 mois que Paris pollue mes poumons. J'en ai connu des paumés, j'en ai voulu à tout le monde. À qui, à quoi, je ne sais même pas. Je noie ma lâcheté quand je bois. Détache-moi, je suis le pansement sur la jambe de bois. Emmène-moi. J'ai comme une enclume en plein cœur.

before you move. Toon style is immensely strong and immune to nearly any weapon. When it's properly used, it's almost invincible. Roar, I'ma give it to you with no trivia. Roll like cocaine straight from Bolivia. My hip hop will rock and shock the nation like the Emancipation Proclamation. Weak MCs approach with slang that's dead. Them eyes are running to the wall and bang your head. I push a force, I force you doubting. I'm making devils cower to the Caucasus Mountain. Well, I'm a sire, I set the microphone on fire. Rap styles vary and carry like Mariah. I come from the Shaolin slum, and the alley I'm from is coming through with enough niggas, enough guns. So if you wanna come sweating, stressing contest. You got your sharp swords at the midsection. Don't talk the talk if you can't walk the walk. Phony niggas are outlined and chalk. I'm mad vexed, it's what the projects make me. Rebel to the grain, there's no way to barricade me. Steamroller niggas like an 18 wheeler with the drunk driver driving. There's no surviving. Rough like Timberland, where? Yeah, me and the clan and yo, the Land Cruisers out there. Peace to all the crooks, all the niggas with bad looks. Ball head braids, blows his hook. We pack home text, nigga play the max. Black axe, drug dealing styles with fat stacks. Only been a good nigga for a minute though, cause I got to get my props and win it, yo. I got beef with commercial ass niggas with gold teeth, camping in a Lexus seat and beat. Straight up and down, don't even bother. I got 40 niggas up in here now who kill niggas for me. My people's, are you with me where you at? In the front, in the back, killer bees on attack. My people's, are you with me where you at? Smoking meth, hitting caps on the block with the gap. Here I go, deep tight flow. Jack, you stole, can never get this. No, I'm Terry Bomb and shit. Boom, that's warming up a little bit. Rapping in is what's happening. Keep the pockets stacking in, hands clapping in at the party when I move my body. Gotta get up and be somebody. Grab the microphone, put strength to the bone. Dan, dan, dan, into the Wu-Tang zone. Sure enough, when I rock that stuff, huff, huff, I'm gonna catch up, rough, tough, rough. Kicking rhymes like Jim Kelly or Alex Kelly. I'm a beat a belly rise, coming raw style, hardcore. Niggas be coming to the hip hop store. Coming to buy grocery from me. Gonna to be a hip hop MC. The law, in order to enter the Wu Tang, you must bring the whole dirty bastard type slang. Represent the Jizza, Abbott, Ruzza, Shaquan. Inspect the deck, dirty hoe getting low with his flow. Introduced in the ghost face killer. No one can get it live. My peoples, are you with me where you at? In the front, in the back, killer bees on attack. My peoples, are you with me where you at? Smoking meth, hitting cats on the block with the gap. Speaking of the devil's sight, no, it's the guard, get your shit right. Mega trife, and yo, I killed you in a past life. On the mic while you was kicking that fast shit. You and Nick tried to get it, got blasted. Half-mastered ass style, mad rough jazz. When I struck, I had on Tim's in the black mask. Remember that shit? I know you don't remember Jack. That night, yo, I was sitting like a spike bat. And then you thought I was bugged out and crazy. Strapped for nonsense, after me became lazy. Yo, nobody budged while I shot slugs. Never shot ducks, I'm running with ducks that flood mugs. So grab your 8 plus 1, start flipping. And tripping, niggas is jetting, I'm licking off, son. Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang. Homicide's illegal and death is a penalty. One justifies the homicide when he dies in his own iniquity. It's the master of the mantis rapture coming at ya. We have an APB on an MC killer. Looks like the work of a master. Evidence indicates that it's stature. Merciless like a terrorist, hard to capture. The flow changes like a chameleon. Blends like a friend and stabs you like a dagger. This technique attacks the immune system. The sounds like a lie paralyzing the victim. You scream as it enters your bloodstream. Erupts your brain from the pain these thoughts contain. Moving on a nigga with the speed of a centipede and injure any motherfucking contender. My peoples, are you with me where you at? In the front, in the back, killer bees on attack. My peoples, are you with me where you at? Smoking meth, hitting cats on the block with the gas. Errance rénaldienne sur CKRL NF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné.

le font super bien. Du coup, faire attention, quoi, pas le faire de manière médiocre. Dans une série noire, il y avait un diable rouge qui travaillait au noir dans les téléphones roses. Son père était russe blanc et sa maman pied noir. Elle était cordon bleu, il vendait des baignoires. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-elle? Mais que se passe-t-elle là-haut dans le ciel? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-elle? Il écrivait en vers des trucs à l'eau de rose, notait ses idées noires sur du papier doré. Il avait une peur bleue de tous les faux semblants, des bandes de blousons noirs, des amours durables. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-elle? Passe-t-elle tout là-haut dans le ciel? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-elle? Couleur est-il dans l'arc-en-ciel? Il avait les yeux verts, des cheveux aux burnes. Il passait des nuits blanches à faire du marché noir. Il vendait des feux rouges ou de la magie noire, des pommades pour doigts blancs, des gages pour bêtes noires. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-elle? Mais que se passe-t-elle tout là-haut dans le ciel? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-elle? Couleur est-il dans l'arc-en-ciel? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-elle? Mais que se passe-t-elle tout là-haut dans le ciel? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-elle? Couleur est-il dans l'arc-en-ciel? RLMF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Dali.